y a plus de live, mais moi je suis resté. J'ai vu les lumières s'éteindre une à une, le tchac qui se vide comme un ciel sans lune. Mais dans l'ombre, je continue de gratter, pas pour le show, pour respirer. J'ai plus de force à vendre, j'ai plus de personnage, juste une voix rappeuse, un peu de courage. Je me fous du bruit, je me fous des raids. Ce soir, je gratte pour ceux qui m'ont jamais quitté. Tell me who stayed when the lights went down. Who kept the heart when the fame left town? Was it the sound or the soul you found? I'm still here with no one around. Je parle sans écran, sans overlay. Je suis qu'un gars qui gratte ce qui veut crier. T'as mis ton pseudo dans mes silences et je le garde comme un bout d'espérance. Le monde scroll, la foule like, mais toi t'es resté, t'as pris le mic. Pas pour parler, mais pour entendre. Et moi j'ai tout posé sans attendre. Tell me who stayed when the crowd moved on. Who felt the truth when the show was gone? Not for the fame, but for the song. I'm still here, where you belong. J'ai rien à vendre, mais tout à donner. If you hear me, you're still part.